Margot aux yeux secs par Arnaud Fontaine. Il était une fois une reine en Pémanie qui accoucha de sa sixième fille. Hélas, l'enfant, dont les sœurs étaient d'une lumineuse beauté, affichait un physique tenant du clair-obscur, voire de l'éclipse solaire. Pour ne rien arranger, ses parents ne s'entendirent même pas sur l'orthographe du prénom qu'ils lui avaient choisi. Margot à UX pour le père, Margot OT pour la mère, on trancha pour un Margot O. D'anodine en apparence, cette querelle fut une forme de malédiction pour la princesse qui, en grandissant, prit l'habitude d'écrire Margot. Elle formait le O final à la façon d'un zéro, soulignant la piètre opinion qu'elle avait d'elle-même et de ses propres qualités. La fée Pimprenelle, qui se trouva préposée à son berceau lors de sa naissance, assura qu'elle ne souffrirait jamais de sa laideur toute relative et que seules les larmes de crocodile seraient autorisées à couler sur ses joues. Aussi la fillette ne pleurait-elle jamais, renfermant à l'intérieur ses doutes et ses peines comme emprisonnées dans son âme et dans son cœur. Pour l'aider, la magicienne lui accorda le sens de l'humour afin d'alléger ses chagrins et rendre sa compagnie recherchée par les autres. À des centaines de lieues et à quelques jours de là, la reine d'un royaume voisin accoucha d'un prince. Si le bambin était beau et robuste, il fallut peu de temps à ses parents pour constater qu'il était aveugle de naissance et qu'il ne verrait jamais ni la beauté du jour, ni le chatoiement des couleurs de l'existence. La même fée qui avait assisté à la naissance de la petite princesse de Pémanie déclara que le jeune dauphin n'aurait pas besoin de ses yeux pour juger les choses et les gens, mais que son cœur serait son ajna, un troisième œil bien plus perçant et clairvoyant que le regard d'un faucon. À mesure que Margot grandissait, l'écart avec ses sœurs se creusait. Alors que ces dernières étaient chaque jour plus gracieuses, l'aube nouvelle la voyait devenir plus grassouillette. La jeune femme, pour tenter de lutter contre l'image que lui renvoyait son corps, passait son temps à alterner des phases de boulimie où elle descendait en pleine nuit piller le garde-manger royal et des périodes d'anorexie où elle se cachait dans les lieux d'aisance pour se faire vomir encore et encore. Au quotidien, elle était avec cela si empotée qu'on eût dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Autour d'elle, tout chutait, s'ébréchait ou se brisait. Les soirées de gala, sa haute stature ne s'accommodait guère des robes de bal, des souliers de satin ou des fanfreluches. Son air gauche la condamnait à faire tapisserie. Fort heureusement, son visage ingrat tenait plus du quelconque que du hideux. Aussi, tout lui laissait pour compte des fêtes royales, ceux qui ne brillaient pas par leur présence et qui auraient pu être absents sans qu'on ne le remarquât, se groupaient-ils autour d'elle. Si au cœur des réjouissances on y avait prêté attention, on aurait constaté avec étonnement qu'auprès de la jeune fille se constituait une petite cour de joyeuderie qui babillait et riait à l'envi de la comédie humaine qui se déroulait sous leurs yeux. Mais Margot finit par se lasser de ce théâtre d'ombre et de vanité dont elle était pourtant la plus fine zélatrice. Une nuit, en se rendant à la cuisine pour y trouver le réconfort de la nourriture, la jeune femme crut entendre des rires et des chants monter du passe-plat qui reliait le rez-de-chaussée à la cave. Elle prit une torche et se résolut à descendre voir ce qui se tramait dans les entrailles de la terre. L'escalier était si étroit et si glissant que n'importe qui se serait rompu le cou. Mais Margot trouva dans son habituelle démarche claudiquante une forme de rythme à contre-temps qui lui permit d'arriver en bas sans embûche. Elle s'engage alors dans un immense boyau rocheux qui lui sembla une avenue sur laquelle semblait déboucher un réseau de galeries taillées à même la pierre. Ses tunnels, déserts le jour, grouillaient à cette heure avancée de la nuit de gnome. Ils convergeaient tous vers le même lieu. Après un véritable chemin de croix qu'elle gravit sur les genoux, elle déboucha finalement dans une vaste caverne éclairée par des champignons fluorescents. Là, le petit peuple, les habitants du monde souterrain, festoyaient et bambochaient à loisir. Pour ne pas effrayer les minuscules créatures qu'elle dominait comme les montagnes en imposent au balai, elle finit les derniers mètres en rampant. L'un des guetteurs, apercevant ce monstre tapi dans l'ombre, souffla dans une corne de brume en corne de bélier pour avertir les convives. Instantanément, tous se figèrent. La jeune femme sentit que la situation lui échappait. Elle redouta une furieuse attaque des lutins qui la submergeaient sans coup férir et la clouraient au sol. Elle murmura de sa voix envoûtante, don de la fée Pimprenelle. « Je suis la princesse Margot. Je suis venue en amie. Je cherchais l'origine de votre douce musique et c'est elle qui m'a conduit ici. » Garapon, un vieillard à barbe blanche et à la bedaine rebondie, qui était en outre le plus sage et le plus respecté des gnomes, s'approcha prudemment du visage de la jeune fille. Il plongea son regard dans le sien et, rassuré, lui dit « Les humains n'entendent pas nos mélodies habituellement. Si vous êtes ici, c'est que vous avez votre place parmi nous. Soyez la bienvenue. » Puis de l'index, il lui désigna un renfoncement en bout de tablé où il l'invita à prendre place. C'était donc en ce lieu que ces affables petits bonshommes se réunissaient dès que le soleil était couché pour faire bonbons jusqu'à l'aube, chantant des mélopées dans une langue inconnue, buvant dans des petites coupes d'or les vins les plus fins ou entrechoquant des chopes d'hydromel. La nuit durant, avec une bonne humeur communicative, ils se livraient à de subtiles plaisanteries et s'adonnaient aux folles joies du chant et de la danse. Assis en tailleur, Margot lança un regard circulaire sur le lieu où elle se trouvait désormais. Elle avisa ce qui lui sembla être une grande cuisine dans un coin reculé de la grotte. Une série de taupinières servait de cheminée en surface pour évacuer les fumées. Une brigade de rôtisseurs, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, tournaient et retournaient des pigeonneaux à la broche qui, ramenés à leur petite taille, semblaient être des oies que l'on arrosait de leur propre jus. La princesse, étonnée de ce spectacle, le fut encore plus en constatant les us et les coutumes de ses hôtes. Point de préséance ici, point de privilège là, mais une rotation aussi bien orchestrée qu'un ballet qui voulait que chaque invité fût tour à tour cuisinier, serveur et convive. Elle participa aux agapes et aux discussions. Son intelligence et son humour firent une fois de plus merveille, au point que les lutins lui annoncèrent qu'elle aurait table ouverte parmi eux quand bon lui semblerait. La jeune femme, heureuse d'avoir enfin trouvé une société où on l'accueillait à bras ouverts et où on la considérait comme ayant quelque chose de plus et non quelque chose de moins que les autres, prit l'habitude de se joindre à cette joyeuse compagnie une à deux fois par semaine. La nuit de son anniversaire, les gnomes lui offrirent la plus mémorable des fêtes et clous de la soirée. Garapon lui promit un magnifique cadeau qu'elle trouverait à son retour dans sa chambre. Lorsqu'elle y retourna, elle découvrit, sous une fine étoffe de soie, une console en ronces de noyer surmontée d'une psyché à l'antique, dont le miroir était soutenu comme en lévitation par deux coups de cygne finement ouvragés dans le même matériau précieux. À peine eut-elle ôté le voile que Garapon apparut comme par enchantement assis sur l'angle du meuble. Le gnome expliqua alors à la princesse que le terme de ronce désignait en ébénisterie un bois particulièrement apprécié pour sa vénure. Ce bois contrasté à l'aspect tourmenté et enchevêtré avait été soigneusement taillé dans une protubérance présente à la souche de l'arbre. Le miroir proprement dit, lui, était constitué d'une plaque de verre recouverte d'une fine couche d'argent. « Curieux cadeau, » se dit Margot, à qui ce présent renvoyait tout son passé de tristesse. « Va-t-on toujours me ramener à mon image ?» Percevant le trouble de la jeune femme, Garapon enchaîna. Ce miroir a une particularité étonnante. C'est un palantir, ce que vous autres humains appelez une pierre de vision ou pierre clairvoyante. Il ne vous montre pas votre propre reflet, mais le visage d'un être qui est ailleurs dans le monde. Ailleurs, s'étonna la jeune femme. Oui, derrière son miroir et qui au même instant vous voit. Comment cela ? Comme il est magique et clairvoyant, le miroir montre à votre interlocuteur qui vous êtes en réalité, sans faux semblant. Je ne comprends pas bien. Il reflète l'âme de ceux qui s'y regardent. Vous, par exemple, on vous y verra, comme nous vous connaissons, radieuse et lumineuse, alors que d'autres femmes, au physique avantageux mais bouffies d'orgueil, se révéleront boursouflées et rougeaudes. La princesse regarda le miroir et dit à Garapon « Mais à quoi me servira d'échanger avec des gens que je ne verrai jamais ?» Certes, je les découvrirai tels qu'ils sont, mais une fois le miroir recouvert, je n'en serai que plus seul et plus isolé. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais, princesse. Mais encore faut-il savoir où elles se trouvent. Nous vous apprécions beaucoup, vous le savez. Mais c'est de la société des hommes dont vous avez besoin, pas du garde-manger royal ou de nos sympathiques bamboches. Ce miroir vous reconnectera avec ceux de votre espèce. Bien à l'abri dans votre chambre, dans l'anonymat, vous et vous seul déciderez quand vous souhaiterez quitter l'un ou l'autre. Plusieurs jours passèrent avant que la jeune fille n'envisageât de lever la lourde étoffe qui occultait la glace sur la console. Plusieurs nuits, elle en repoussa l'idée. Mais la curiosité féminine l'emporta. Elle se dit que cela ne l'engagea rien, et qu'après tout un cadeau devait s'utiliser, ne serait-ce qu'une fois. Au terme d'une de ses descentes dans le monde souterrain où elle avait bu plus que d'habitude et de raison, Margot s'assit devant le palantir. Elle fit glisser la housse et commença à se mirer. En quelques secondes, son reflet disparut et une sorte de spirale noire et grise troubla le verre. Puis, ce vortex tournoyant lui livra l'image d'un beau jeune homme. Celui-ci la regardait au sourire. « Bonsoir, moi c'est Edmond, » dit-il. « Bonsoir, moi c'est Margot, » répondit-elle après une brève hésitation. « Vous voilà enfin. Comment cela, je ne comprends pas. Quand on m'a donné ce miroir magique pour mes 15 ans, on m'a dit « Un jour ta reine viendra. » Depuis, tous les soirs, je me connecte. J'ai vu défiler, en vous incluant, 6 reines potentielles. Une dinde, une face de canard, une sorcière, mais aussi de belles âmes qui n'étaient hélas pas ma moitié d'orange. » Surprise par une entrée en matière si directe, la jeune femme sourit. « Vous me semblez surtout être une moitié d'orage. Quelle pluie de noms d'oiseaux pour qualifier vos prétendantes. Je serai curieuse de ce que vous direz de moi à la 7e qui vous contactera demain. » Edmond ne se décontenança pas. Surpris de trouver Margot joueuse et spirituelle, il ajouta « Oiseau, dites que je suis un drôle d'oiseau si vous voulez, mais sachez que je n'insultais personne. Je vous rapporte juste que j'ai vu dans la pierre de vérité au cours de ces nuits passées derrière ma console. Et j'en étais tellement désolé que je m'étais résolu à abandonner cette vaine quête d'une reine. Veuillez m'excuser pour ma franchise, mais c'est la première fois que je vois apparaître quelqu'un avec un diadème sur la tête. Je n'ai pas les codes, sire, pour vous parler en future reine. Je me connecte pour la première fois, et je ne voulais pas paraître ridicule les cheveux en bataille, aussi ai-je revêtu ma coiffe. Mais elle n'a rien d'une couronne, croyez-moi. Allons, repartons du bon pied et faisons connaissance. Ce que je vois de vous est brillant et lumineux. Cela doit être bon signe, je suppose. » Les deux jeunes gens prirent donc le temps de se découvrir et de s'ouvrir l'un à l'autre. Peu à peu, ils se mirent à éprouver des sentiments qu'ils ne connaissaient pas. Ils firent l'expérience de l'absence et du manque, de l'euphorie et du chagrin, de l'attirance et du désir. Pour eux, cet espace amoureux n'était ni tout à fait réel, ni tout à fait imaginaire. Il se situait entre les ressentis et les résonances de leurs deux âmes. Cette affection illusoire les maintenait dans une idéalisation de l'autre. Margot fut la première à en souffrir. Mais vint le temps où le virtuel ne leur suffit plus. Chacun se retrouva à leur reprise avec ses propres démons. Un soir, après qu'ils eurent bien ri, elle se fit grave. « Me trouvez-vous belle, divine ? Pourtant je ne le suis pas, dans la réalité, marmonna-t-elle. Et je commence à me demander si tout cela ne nous mène pas à rien. Ne dites pas cela, il ne tient qu'à vous de... nous voir, acheva-t-elle. Plutôt... « De nous rencontrer, » rectifia-t-il. « Nous voir n'est pas le mot juste. Pourquoi cela ? Je suis aveugle. » Avoua le prince. « Je ne vois qu'à travers le palantir. Donc, d'une certaine façon, je vous ai déjà vu. Mais vous, croyez-vous être capable de rencontrer un infirme ?» Margot fut soulagée de son lourd fardeau. Il ne la verrait pas. Les deux tourtereaux convinrent d'un rendez-vous à Belzègue, cité balnéaire de Pémanie, où les parents de la princesse possédaient un château. Ce palais, vaisseau de verdure, abritait un magnifique jardin orné de fleurs et de fontaines. Des pins parasols entretenaient la fraîcheur lors des fortes canicules. Lorsque Margot se fit connaître, le son enchanteur de sa voix, entendu pour la première fois en face à face, la désinhiba. Il se jeta à l'eau en lui demandant l'autorisation de palper son visage, de caresser ses mains. En la serrant dans ses bras, il huma le doux parfum de son cou. Elle se livra avec amusement à ce colin-maillard improvisé. Le prince, reconnaissant, se jeta aux genoux de sa sirène. Par un silence qui exprimait sa joie, il lui laissait deviner ce qui se passait dans son âme. Elle l'obligea à se relever. Son soupirant était grand et fort. Un air plein de grandeur et de grâce, des traits réguliers. Il avait des cheveux de jais qui tombaient par grosses boucles sur ses épaules. Le loup, couvrant ses yeux et représentant des pupilles ouvertes, lui donnait l'allure d'un justicier masqué. La princesse pleura de joie. De grosses larmes perlèrent, puis coulèrent à flots des yeux de Margot aux yeux secs. Le fait fut décrit au prince, qui, ému, demanda aussitôt à l'élu de son cœur de l'épouser. Il s'enquit du consentement du père de sa promise. Le roi de Pémanie, voyant que sa fille avait beaucoup d'estime pour Edmond, qu'il connaissait pour un prince spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour gendre. On raconte que pour fêter l'apparition de ses premières larmes, jeune souveraine fit modifier l'orthographe de son patronyme. Elle figure dans les annales de l'histoire sous le nom de reine Margot, E-A-U-X. Ainsi s'achève Margot aux yeux secs par Arnaud Fontaine.